François Morel, c'est à vous. Bonjour. Une matinale essentiellement consacrée à la chanson, ce n'est pas tous les jours. J'en profite à cette occasion pour vous proposer un récital. Un récital complet de 10 œuvres originales et une reprise et un duo. Tout ça sans supplément de prix pour l'auditeur et sans tellement de débordement temporaire. Enfin, on verra. Accompagné par l'immense Antoine Salaire, j'ai l'honneur de vous présenter le bref récital. Et là, on t'entend. Me voici, me voilà, mon amour. Voilà, c'était ma première chanson d'entrée en scène. Maintenant, une chanson que Anne Hidalgo, j'espère, prendra la peine d'entendre un jour. Une chanson sur Paris, une chanson qui fait mal, une chanson coup de poing dans la gueule, une chanson cri. À Paris, on peut plus circuler sur le boulevard Magenta. Heureusement qu'il y a tes bras pour m'y réfugier. Maintenant, une chanson amusante. Une chanson appelée Le Goujon, mais déclarée, je le signale pour les employés de la SACEM, sous le titre Marion. Je le précise afin qu'il n'y ait pas de malentendu concernant mes droits. Je préfère taquiner Marion que le goujon. La chanson, c'est un engagement. Une chanson, c'est aussi l'occasion d'interroger le monde. Musique de Antoine Salaire, paroles de Bernard Guetta. La colombe de la paix, sous famille des colombinets, va-t-elle à nouveau s'envoler ? La question est avancée. J'espère pouvoir défendre mon œuvre un peu partout dans le monde, en Tchétchénie, au Yémen, à Gaza, en Centrafrique, au Liban, en Syrie, partout où jamais l'on ne m'entend, sans doute parce que ma parole de fleur et de révolte est objet de censure. Gérard Lenormand, voici une chanson en hommage à Gérard Lenormand, injustement oublié des programmateurs, notamment du service public. Tiens, Varro, prends ça dans la gueule. Gérard, à Gérard, tu es dans le brouillard, comme un étendard. C'est rare. Puisque nous sommes en France, une chanson à boire. Patron, remets-nous ça. Maintenant, je voudrais traiter la question peu souvent évoquée en chanson des hommes battus. Pour la chanter avec moi, j'ai l'honneur d'accueillir une amie et immense artiste, Sofia Harab. Ah non, s'il te plaît, Pétronille. Pas avec tes talons aiguilles. Merci Sofia. Merci Sofia. Un récital serait incomplet sans une reprise. Un hommage à notre maître à tous, Charles Trenet, dans une version que je dédie spécialement à Benjamin Biolay. Que reste-t-il de nos amours? Quelques pensions alimentaires. Sur des paroles de Clémentine Déroudil, la fripouille. Oh ma fripouille, oh ma grenouille, j'aime quand tu me fais des chatouilles et des gratouilles et des papouilles, essentiellement sur les pieds. Et c'est déjà l'heure de mon premier appel, une chanson que j'ai écrite il y a 35 ans déjà, créée, vous pouvez la chanter avec moi d'ailleurs, créée par Sinatra au Carnegie Hall. Francky, tu me manques tous les jours. Reprise par tout le monde, de Billie Holiday à Ray Charles en passant par la Fouine. Without You, Public, dans sa version française. Je le riposte, sans toi public. Je suis comme un compost, sans son lombric. Je voudrais naturellement remercier les techniciens qui ont permis ce concert possible. Je remercie Francky, Johnny, Jules, Marc, Antoine, Laurence Bloch, avec qui j'ai rendez-vous tout à l'heure pour un petit déjeuner. Je voudrais remercier tous mes confrères. Je voudrais remercier mon second rappel, je le dédie particulièrement à Bernadette Chamonaz, qui sans doute n'aura jamais présenté le journal de 9h aussi tardivement. Bernadette, c'est pour toi. Un jour, il faudra nous quitter. Et c'est maintenant. François Morel. Merci. Avec. Et les roses rouges pleuvent dans le studio. Que se passe-t-il ? François Morel avec Antoine Salaire au clavier. Bravo François. T'en prie. Bon, qu'est-ce que tu fais ? Je vous retrouve en loge. Je vous retrouve dans votre loge tout à l'heure.